exemple, shit et la tease nous vend des désirs pour manipuler à leur guise. L'homme à la grise mine pitié les principes, leur éthique et nos rétines. Avec leur chronique, pitch, image et article, ils nous bassinent et nous guident. Va par là, fais cela, civilisation nous aidera. Mais il n'y a toi et Dieu qui te changera. Alors fais bien attention à tous tes pas. Va par là, fais cela, civilisation nous aidera. Mais il n'y a toi et Dieu qui te sauvera. Alors fais bien attention à tous tes pas. Fais bien attention à tous tes pas. Passe ton bac et ton permis à 18. Pour te barrer chez tes parents très vite. Pour faciliter le déracinement, ils te feront gober le plus gros de leurs médicaments. La télévision pour que plus tard tu te tapes le crédit pour la voiture et le pavillon. Et ils te finiront comme la plupart des abeilles et des petits papillons. Va par là, fais cela, civilisation nous aidera. Mais il n'y a toi et Dieu qui te changera. Alors fais bien attention à tous tes pas. Va par là, fais cela, civilisation nous aidera. Mais il n'y a toi et Dieu qui te sauvera. Alors fais bien attention à tous tes pas. Fais bien attention à tous tes pas.